Quel rapport y a-t-il entre le Priory de Sion et le FMI, le Fonds monétaire international? Il y en a un en passant par l'Allemagne. L'ancienne Allemagne. Je parle d'Allemagne, Troisième Reich. Quel rôle ont-ils joué dans cette crise et ces conflits de fin de siècle? Ont-ils à jouer dans cette crise et ces conflits de fin de siècle? Il faut bien comprendre, évidemment, que toute cette mécanique-là est totalement manipulée. Le Fonds monétaire international, c'est un fonds, c'est encore une terrestrification des mécaniques intelligentes, sauf que ce sont toujours assujettis à des mécaniques astrales. L'idée est géniale, et à un moment donné, eh bien, le Fonds monétaire international va finir par le rôle occulte, disons, très, très, très loin du contexte monétaire du FMI, c'est de faire en sorte d'alléger le karma des sociétés industrialisées qui avancent. Alors, ils vont prendre une partie de leur argent, donc de leur karma, pour le redistribuer sur les pays pauvres. Mais toutes les structures ont été astralement manipulées de façon à ce que ce qui était pauvre reste pauvre. La famille Rothschild et les 12 autres sont-ils les gardiens de notre argent? Ce sont des gardiens, pas tous, ce sont des gardiens, mais il y a aussi les gouvernements qui sont les gardiens, puis il y a énormément d'entreprises qui sont les gardiens, c'est pas uniquement les familles. La carte de débit est en place d'argent et que celle-ci... Mais si la carte de débit est en place d'argent et que celle-ci finit par disparaître, qu'est-ce qui remplacera énergétiquement tout ceci? Bon, la carte débit, il faut faire bien attention, parce que la carte débit, avant que ça arrive, là, on en connaît qui se sont fait sensibiliser par la carte débit. N'est-ce pas? Et qui en ont peur. Mais la carte débit, ce n'est même pas à peine qu'on en parle. C'est comme la carte de crédit, ça a été le drame total. Les gouvernements vont tout savoir ce qu'on achète, les gouvernements vont ceci, vont cela. Prenez-en pas de carte de crédit. Tout le monde en prend quand même. Ah, ils nous ont quand même à cause qu'ils nous ont pas. Tu t'en prends ou t'en prends pas. L'idée de savoir, par exemple, avec la carte de débit, le gouvernement va pouvoir savoir se mettre le nez dans tout ce que l'on fait. Je fais, ça fait longtemps. C'est pas avec une carte de plus qu'on va se créer les gros problèmes. Les échanges d'énergie se font quand même pour la simple raison qu'il va y avoir énormément de trocs qui vont recommencer à se faire dans les années à venir. C'est déjà commencé beaucoup au niveau de certaines entreprises où on n'échange pas de l'argent, où on échange des services ou de la matière. Bon, les échanges d'énergie se font là quand même. Advenant l'indépendance du Québec, qui financera celle-ci, le FMI? Non. Le Québec, ce ne sera pas un pays qui va être manipulé à devenir pauvre. Donc, le Fonds monétaire international n'aura pas besoin de s'en mêler. Non, le Québec, de toute façon, j'ai déjà dit en, je ne sais plus quelle année, en 86, vous voyez, je crois, qu'il se séparerait, qu'il serait totalement indépendant avant la fin du 20e siècle. Il est déjà indépendant au niveau de la conscience, de toute façon. Il est de plus en plus indépendant, surtout depuis que René Lévesque et d'autres personnages mythiques, n'est-ce pas, de la religion québécoise sont morts et se sont réincarnés dans la population. Le Québec va finir par se séparer. Et au niveau du financement, il y a de l'intelligence, ça se monnaie bien. Les Américains sont prêts à financer, de toute façon, Chase et Madeleine Bain. Ah, il y en a plein, ils sont prêts à financer parce qu'au Québec, il y a énormément de potentiel, autant dans l'humain que dans la matière. La cote de crédit du Québec pour American Express et Chase Manhattan Bank est supérieure à celle du Canada. C'est de capacité d'remboursement. Cette question porte sur la volonté d'agir. Je n'ai aucune ambition, attente, projet. Je suis là, je suis juste là. J'ai toujours beaucoup de temps et juste assez d'argent. Je me questionne sur le pourquoi, l'action ne me dit absolument rien. Je n'ai aucune volonté d'avoir, de bâtir ou de créer. Est-ce une illusion, probablement, mais la compréhension de cette problématique qu'il y a, m'échappe. La question, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est au secours, ça. La personne, ce qu'elle doit faire, premièrement, son temps n'est pas venu, donc c'est évident qu'elle n'aura pas nécessairement plein de choses à faire. Ce qu'elle doit faire, cette personne, c'est qu'elle doit commencer à se rapprocher d'individus qui sont peut-être déjà dans une mécanique d'action. Autrement dit, elle a besoin de rencontrer l'outil, la machine ou le cadre qui, à un moment donné, va lui permettre d'exprimer son énergie, donc son intelligence. Tant que ce n'est pas fait, elle ne le fait pas. La personne peut dire, ah oui, mais je n'ai même pas le goût de me déplacer pour rencontrer des gens. À un moment donné, il y a des gens qui vont se déplacer pour vous rencontrer. Est-ce que l'intelligence qui a du cœur prend automatiquement la place de l'hasard? Oui. Si oui, est-ce le contrôle sur la réincarnation un ordre dans le désordre ou une forme de libre arbitre? Oui. Est-ce que bébé est la réincarnation de Jean-Baptiste? Le Baptiste. Jean-Baptiste n'existe plus, ça fait longtemps qu'il a été digéré par Debé. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un, pendant que tu bois, c'est quelque chose ou quelqu'un qui manipule Lazare? Oui, toute l'humanité. Comment ça fait la résorption des faisceaux? Ah, ben mets ça en arrière, ça va être long à expliquer. On viendra quand on aura fini l'explication. Mais l'humanité l'aide par son inaction? Non, l'humanité l'aide pas, l'humanité le manipule. C'est ça. L'humanité, pas de Lazare. Lazare n'a pas de rôle à jouer, c'est pas l'humanité. Donc, Lazare est manipulé par l'humanité et c'est Lazare qui manipule l'humanité. C'est un personnage du Québec que certains connaissent et que ça vaut pas la peine de nommer. C'est un personnage correct. Je me conscientise depuis quelques années, de plus en plus. J'ai des périodes où je me sens mourir. Est-ce l'ego qui est en train de mourir ou c'est l'astral qui me manipule? Quand une personne se sent mourir, plus une personne se conscientise, plus son ego va être digéré par l'intelligence, par la conscientisation. Donc, effectivement, j'en ai parlé de temps en temps dans certains séminaires. On en a parlé souvent. Effectivement, l'ego meurt, mais la mort, c'est toujours une transmutation, donc ce n'est pas une question « je meurs et je ne serai plus jamais là ». L'ego sera là, mais jamais plus comme il est. Alors effectivement, l'impression est une perception, et le déplaisir relié à ça est une manipulation astrale. Parce que mourir, ce n'est pas pire. C'est comme par exemple, vous êtes un malade en train de mourir. Alors vous avez le choix, ou vous êtes en train de guérir, donc le malade est en train de mourir. Quand vous serez guéri, le malade va être mort, il ne sera plus là le malade. Alors, effectivement, au niveau d'évolution, il y a une impression. C'est pas un problème. Quelle force occulte manipule Saddam à défier le monde et dans quel but? Les Américains... Je vais vous expliquer de quelle façon comment on manipule les êtres humains en face du Sen. Je vais t'expliquer. On parle de Bush qui rencontre le président Saddam Hussein. Tu sais, on parle de Q Bush. Qui rencontre monsieur Saddam Hussein. Hitler, on connaît Hitler, mais on parle de Saddam Hussein. On parle même de Saddam, grand chum. Tous nos alliés, c'est tous des Bush, puis Baker, etc. Et quand on parle de Saddam Hussein, on ne parle pas du Sen, on parle de monsieur Saddam Hussein, ou on parle du président Saddam Hussein, ou on parle de Saddam Hussein. On n'est pas lire, maudit. Et juste te dire de quelle façon c'est extrêmement manipulé, parce que même dans l'essence même de ceux qui sont contre, ils le vénèrent. Par la parole, je ne parle pas au niveau de la conscience astrale. Mais Bush n'est pas aussi vénéré que le président Saddam Hussein. C'est une vedette. Et, vous connaissez ni un ni l'autre, je vous parle d'un gars qui s'appelle Bush, d'un gars qui s'appelle le président Saddam Hussein, ben c'est Saddam Hussein que vous allez vouloir rencontrer en premier. C'est celui qui est quelqu'un. Même les journaux, les titres, Saddam pourrait contre-attaquer. Ah ouais, c'est pas genre, c'est de bord. Non, non. Alors, quelle force occulte le manipule à défier le monde est dans quel but? Toutes les forces occultes le manipulent. Quelle est la plus puissante qui le manipule? Mahomet. Est-ce que Mahomet est manipulé par d'autres choses? Absolument. Mahomet, c'est une création du prieuré de Sion. Encore? Toujours. C'est parce que le prieuré est le... Chanson-là, le prieuré de Sion. Le prieuré de Sion est le... J'en ai une question là-dessus. Elle est, finalement, ce sont les maîtres du monde. Oh, en grande partie. En grande partie. Qui compose? Les personnages que tu connais, il y en a quelques-uns que tu connais, que tu as connus. Dans cette vie-ci ou dans d'autres vies? Dans d'autres vies, lui. Là, je disais une question, là. C'est pas moi qui pose la question. Mais je ne veux pas en parler encore de qui le compose, etc. Il y a des choses, de temps en temps, qui sont dangereuses pour celui qui le dit. Hein? Des choses aussi qui sont dangereuses pour ceux qui l'entendent. Donc, il y a des choses qui ne sont pas le temps de le dire. Quels sont ses buts au priori de Sion? On l'a convaincu, toi, là, non? Moi, je ne suis pas convaincu. Bon, tu es policier. Si, à un moment donné, tu sais des choses, personne ne va t'attaquer. Non, je suis d'accord. Dis-le à d'autres, on peut éliminer ceux qui l'ont entendu, ou au moins éliminer quelques témoins. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais ça ne devrait pas s'appliquer à nous autres. Non, ça ne s'applique pas à nous autres non plus. Mais ça s'applique quand même. Et ça s'applique. Mais il y a quoi qui cloche? Ben oui, parce que tu n'écoutes pas ce que je dis. Non, non. Tu n'écoutes pas ce que Charles dit. Ben, je vais lire les questions, là. C'est ça. Quel est le rôle du... Quel a été son rôle dans le passé? À qui? Priorité. Le priorité, son rôle dans le passé, c'est le même rôle qu'aujourd'hui. Préserver la race sioniste. Tu gardes la, on va garder la question ici, là, puis on va répondre aux questions, puis après ça, on va faire un autre... Un blitz? Je continue la question, mais à propos de Saddam, là. Ouais, c'est sûr, mais on n'a pas su dans quel but. Répète la question. Quelle force occulte manipule Saddam, mais dans quel but? À défier le monde. Accomplir le plan essaimé. Défier le monde veut simplement dire, permettre... Premièrement, présentement, les dieux ont faim. Ouais, parce que... Si les dieux ont faim, ils vont s'arranger pour que l'humain souffre au maximum pour se nourrir. La majorité des dieux planétaires sentent leur faim proche. Bon. Alors, ils savent très bien que dans pas grand temps, ce qui les a créés va descendre sur le plan planétaire et va donner à l'homme, à l'être nouveau, la capacité de diriger les dieux. Bon. Le maître va devenir l'esclave, ce qui a toujours été fondamentalement au niveau de l'absolu. Les dieux veulent de l'énergie. Pour prendre de l'énergie, ils vont donc s'arranger pour que l'humanité s'entrechoque. Par contre, il y a aussi déjà des guerres au niveau des religions. Les dieux ont toujours été en guerre de toute façon. Et présentement, on a trois dieux majeurs qui sont en guerre. Bon, alors le dieu d'Israël est un peu moins en guerre, il attend. Il est patient. C'est un dieu très intelligent, enfin intellectuel. C'est un dieu qui raisonne. Peut-être qu'il s'en égoïse présentement? Non, il s'en égoïse pas, non. Il attend. Non. D'ailleurs, ça prend toute la puissance des États-Unis d'Amérique pour empêcher le Dieu d'Israël d'entrer en guerre contre Allah. Bon. Alors, ça n'égoïse pas. Il attend. Il attend. Lui, il sait que la vengeance est douce au cœur de l'Israélite. Bon. Alors, il attend. Le but fondamental est de faire en sorte que les grandes religions s'entrechoquent du point de vue de l'absolu pour que l'humain finisse par vivre une désillusion totale en face de ses dieux. Quand l'homme va se retourner vers l'homme pour aller chercher son salut, alors il sera en train de se sauver. Mais comment la désillusion va se produire en face de ces yeux-là? Ben, quand les vivants vont se lever sur les champs de bataille qui seront recouverts de morts, ben, ils vont se rendre compte que finalement, il n'y a pas un seul maudit Dieu qui est parvenu à sauver quiconque. Tu vas dire, il nous reste 300 000 musulmans, ben, vous voyez, mais il reste aussi 300 000 catholiques et 300 000 juifs. On n'en est pas sortis. C'est pas 300 000 musulmans et aucun juif. Tu ne peux pas exterminer, ça n'arrivera pas. Alors, à un moment donné, l'humain va finir par en avoir supra-rol-bol de se battre au nom de Dieu. C'est-à-dire, jamais l'humain n'a fait l'amour ou la paix au nom de Dieu. C'est la guerre au nom de Dieu. Je crois que les Américains puis, vivent déjà ça, mais les autres gangs, je doute de leur intelligence. Doute pas de leur intelligence. Ils ne sont pas encore centrés dans aucune forme d'intelligence. Par contre, ce sont les outils de l'intelligence. Eux, leur fonction est simplement de nourrir le monde de la mort, nourrir les dieux, pour donner énormément d'énergie aux dieux, pour que les dieux puissent écraser tout ce qui existe comme humain sur la planète Terre, comme humain qui se conscientise. Eux, leur fonction, c'est de nourrir le monde de la mort pour que le monde de la mort puisse se détruire. Moi, je trouve ça bien correct. Oui, c'est correct. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il va y avoir tellement d'énergie là-dedans qu'ils vont pouvoir détruire Charles. Et à un moment donné, ce qui va arriver aussi, ce n'est jamais prévu par les forces astrales, c'est qu'il y aura suffisamment d'intelligence qui va descendre chez toi, chez Charles, puis chez d'autres, qu'à un moment donné, quand les égrégores vont être extrêmement pleins, ils vont être trop pleins pour ce que l'homme peut recevoir, alors l'homme va commencer à être totalement débordé par les contacts avec les dieux astraux, l'homme va totalement être tellement manipulé par une manipulation qui va être sans cesse changeante, que l'humain va finir par ne pourra plus suivre le rythme des dieux, il va carrément se déconnecter du rythme des dieux. Alors, il n'y aura plus le choix que de se connecter à l'homme, à l'instantané, à la réalité. Ce ne sera pas un instantané supramental, c'est une instantanéité planétaire, mais l'homme n'aura plus le choix, il ne pourra plus suivre les dieux. Les dieux vont lui dire, écoute, va te battre, l'homme va y aller. L'homme va se battre, l'homme va être blessé un peu, l'homme va être fatigué, mais les dieux vont lui dire, écoute, mais non, là-bas, la bonne femme ou le bonhomme va y aller, puis à un moment donné, l'humain va être tellement épuisé, puis le dieu va encore dire, écoute, dors pas, non, dors à l'autre, là-bas. Puis à un moment donné, l'humain pourra plus suivre. Mais là, ce qui va arriver, c'est que les égrégores vont être tellement tellement pleins qu'ils vont être maintenant totalement parfaits pour venir anéantir ce qui se conscientise, toi. Mais là, ce qui va arriver, c'est que ceux qui se conscientisent vont être tellement énergisés par la force supramentale qu'ils ne pourront pas être détruits. Mais détruits de quelle façon? Physiquement ou dans la conscientisation? Physiquement. OK. Et là, ce qui va arriver, c'est que tous ces égrégores-là vont finir par être extraordinairement puissants. Et l'être nouveau va être suffisamment puissant, mais par une obédience supramentale non pas astrale, ce qui n'est pas compréhensible par les mécaniques astrales, qui eux ne regardent que le passé, savent que Dieu est venu, ils ne peuvent pas comprendre que ça revient. Alors ce qui va arriver simplement, c'est que l'être nouveau aura suffisamment de puissance, que c'est lui qui va servir les égrégores, qui vont avoir été remplis à pleine capacité en énergie pour le servir lui. Donc le rôle, le but de remplir l'égrégore, c'est de le détruire. Mais cosmiquement parlant, c'est la seule façon de forcer les énergies astrales humaines à gagner le monde de la mort, pour remplir un égrégore, pour que toi, tu puisses t'en servir. Tu ne pourras pas manipuler tous les humains. Alors, c'est toute leur énergie astrale, la majorité plantée dans un égrégore, puis que tu contrôles l'égrégore, tu contrôles tous les humains. C'est simplement ce qui est en train de se préparer. Et quand je dis toi, pas toi. Est-ce intelligent que plusieurs millions de personnes meurent dans une troisième guerre mondiale? Intelligent, non, totalement stupide, essentiel, hélas, oui. Je ne peux pas voir et assembler tous les morceaux du casse-tête, mais il semble qu'on perdra beaucoup après avoir investi dans le genre humain et la planète bleue depuis des millions d'années. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est ceci, c'est que l'être humain se réincarne par réincarnation pluralitaire fusionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les êtres humains se réincarnent mélangés ensemble en fonction de l'expérience qu'ils ont vécue. Et s'il y a des peuples qui devront à un moment donné être transmués en d'autres peuples, devront créer, avancer. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qui est essentiel dans la mécanique, chez les mortels, du moins, ce qui est essentiel dans la mécanique des réincarnations astrales, c'est que si des millions d'individus vivent la même expérience ou une expérience similaire, alors ils pourront se fusionner facilement en tant que mémoire dans le monde astral et se réincarner en groupe de plus en plus nombreux dans de moins en moins de corps physiques. Et c'est comme ça que d'une grande race presque éteinte, on va passer à une race neuve, en pleine force pour croire. Donc, les vieilles races devront se faire la guerre, et ce sont les vieilles races qui se font la guerre présentement, et les vieilles races devront se faire la guerre, et ils se la font régulièrement aussi, de façon à ce que toutes les âmes aient des expériences similaires pour se réincarner, non pas dans 25 ou 30 000 individus, mais dans 25 ou 30 individus. De cette façon-là, on va diminuer la quantité d'âmes dans des corps physiques sur le plan planétaire, les âmes auront plus d'expériences similaires, on va diminuer la quantité de corps physiques jusqu'à un moment donné où les corps physiques qui seront capables de survivre seront les corps physiques qui, dans leur génétique, sera suffisamment solide. Donc, les individus dans l'astral ne pourront plus se réincarner avec les parties basses de leur constitution dans des corps physiques dont la génétique est trop haute, ce qui va créer une purge. Et cette purge-là va créer une folie dans le monde de la mort, folie que l'être nouveau va contrôler. Donc, ça devient essentiel que, parce que l'être humain n'a pas la génétique pour comprendre l'intelligence, on parle de la majorité des humains sur le plan planétaire, ça devient donc mécaniquement essentiel que les êtres humains vivent des expériences similaires, des expériences similaires qui les mènent à la mort, pour les envoyer dans le monde de la mort, et parce qu'ils seront morts de la même façon ou qu'ils auront vécu les mêmes atrocités, ils vont se fusionner par raisonnement émotif, par affinité énergétique, ils vont se réincarner dans de moins en moins de corps, ce qui va faire en sorte de purifier le contexte planétaire. Est-ce que c'est intelligent? Cela ne fait pas partie de mon intelligence. Mais j'en comprends l'intelligence. Mais c'est la mécanique. Mais cette mécanique-là va rendre, par exemple, les 25-30 individus dont tu viens de parler. Ils vont être dramatiquement dangereux. OK, ce n'est pas des gens qui sont en conscientisation, ceux-là. Non. C'est ça, ben, ils vont être extrêmement puissants. Ils vont être extrêmement puissants puis extrêmement seuls, les pauvres. Et en plus, personne ne peut suivre. OK. Voyez-vous, ce qui est dangereux, c'est un troupeau de moutons conduit par un lion. Très dangereux. Et plus tard, on aura un troupeau de lions conduit par un mouton. Ça, c'est pas dangereux. Les Américains ont-ils été manipulés aussi à attaquer plutôt qu'à patienter? Ben oui, les Américains ont été manipulés par Adolf Hitler. Adolf Hitler qui les a manipulés à attaquer. Ah, je comprends pas. Non, c'est simple. C'est que la dernière fois, les Américains ne sont pas un peuple de guerriers, hein? C'est un peuple de bossards, c'est un peuple de consultants. La dernière fois qu'il y a eu une grande guerre, qu'il y a un pays qui a conquis un pays, puis conquis un pays, puis s'en allait comme ça, les Américains n'allaient pas rentrer en guerre. OK, ils ont été par expérience. Ben là, ils se sont dit, écoute, on ne commence pas le Troisième Reich, là, on va y mettre le fin de suite à quelque chose. Saddam Hussein est un personnage qui, dans sa tête, veut... C'est un bon bonhomme, il veut sauver tous les musulmans. Non, oui, c'est un bon gars. C'est sûr, puis la seule façon de le faire, c'est de tuer tous ceux qui ne sont pas. Bon, question de point de vue, les catholiques ont déjà voulu faire la même chose, puis il n'y en a pas qu'à d'autres. Il n'est pas pire que d'autres. il manipulait un rôle particulier. Alors lui, son rôle, c'est de réunir, de réunifier les musulmans. Mais la problématique du phénomène musulman, à part des exceptions, c'est de détruire les infidèles. Bon. Alors, les Américains savent très bien présentement que Saddam Hussein ne fait que commencer. Il prend l'Irak, il va prendre l'Arabie Saoudite, la Jordanie va s'allier. La majorité des pays vont finir par s'associer à l'Irak. Et puis, après ça, on va avoir un bloc majeur qui contrôle l'énergie sur la planète Terre. La majorité du pétrole vient de là. Et là-dessus, nécessairement, on s'en va d'une façon absolument évidente vers une guerre mondiale. Les Américains ont bougé rapidement pour empêcher ça. Et j'ai déjà, moi aussi, bougé quand j'étais plus jeune pour empêcher les prophéties de s'accomplir. Et j'ai tout fait ce qu'il fallait pour que ça ne fonctionne pas. Puis c'était prévu dans la prophétie. Ouais. Alors, présentement, ils ont tout fait pour que la Troisième Guerre mondiale se fasse dans son temps. Pas trop vite. On peut suivre les autres. Oui, ils savent pas ce qu'ils font, donc ils sont fiables. Ils sont fiables. Si l'astral est détruit, les pouvoirs attachés à celui-ci le seront-ils aussi, comme la voyance, la clairaudience, la guérison, la télékinésie, la télépathie, etc.? Absolument. La guérison va être totalement détruite parce qu'il n'y aura plus de maladie. La clairvoyance va être totalement détruite parce que l'homme va savoir. Et patati patata. Tous les pouvoirs reliés au monde astral vont totalement être anéantis. Les êtres supramentaux vont-ils avoir des pouvoirs, non dans le sens de domination, mais plutôt pour voir, pour appréhender, pour saisir le supramental dans un tout? L'être nouveau va être un être supramental. Un être nouveau peut-il avoir des pouvoirs supramentaux sans avoir eu des pouvoirs astraux? Absolument. Si oui, quels sont-ils? On n'en parle pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que ça va créer encore des leurres pour l'ego. C'est pas l'heure. C'est ça, c'est pas l'heure. Est-ce que Bernard de Montréal sera le futur grand monarque? Une chance pour lui, non. Qui fut Atahualpa et qui est-il incarné au Québec présentement? Ça aussi, on le place avec les autres ici pour parler longtemps. Quelle sera l'étendue de l'inondation lorsque le fleuve Saint-Laurent changera de direction et que la mer engloutira les terres? Ce n'est pas, en ce qui me concerne, extrêmement important d'en parler. Les terres ont extrêmement changé. En plus, dans les livres d'histoire, ce n'est pas encore évident que tout le plateau du Saint-Laurent va s'enfoncer suffisamment pour que le Saint-Laurent coule à l'envers. Surtout que cette prophétie a été amenée par un personnage qui avait comme fonction d'amener un paquet de prophéties qui ne se révéleront jamais vraies. Un personnage autant manipulé. Il y aura, à un moment donné, certaines formes d'inondations particulières, mais encore une fois, ça fait partie d'une mécanique que souvent, du moins que les égos peuvent vouloir apprendre et qui peut nuire énormément parce que ça peut manipuler l'action ou l'événement des humains. Au lieu, par exemple, de savoir que vous devez être à une place plutôt qu'à une autre, par résonance supramentale, plus on aura d'informations astrales de l'avenir, plus ces informations viendront colorer votre vibration supramentale pour vous manipuler à agir de telle ou telle façon. Et c'est dangereux. Et la meilleure histoire là-dedans, c'est d'un bonhomme qui vivait avec sa famille dans une région où on s'attendait à une apocalypse, à une guerre globale nucléaire. Il est rentré dans la forêt, il s'est poussé un an ou deux ans avant que ça arrive, et puis il a survécu d'une espèce de misère avec quelques amis dans la forêt, les hivers, etc. Et 15 ans après, il est sorti pour voir qu'est-ce qui restait des ruines après la guerre, pour se rendre compte que dans la région où il était, il n'y avait jamais eu de guerre. Alors, s'il n'aurait pas eu de formation astrale, il ne serait pas parti. Puis, il aurait vécu plutôt que survécu. Fais attention aux informations astrales. Il va avoir ceci, il va avoir cela. Ça augmente les codes d'écoute, mais c'est pas nécessairement ce qui est bon à savoir. Explique-moi s'il y a une différence entre le bonheur et être heureux. Être heureux, ça ne se sait pas. Puis, le bonheur, on en parle. Donc, si on peut parler du bonheur, le bonheur est une théorie, une philosophie, quelque chose d'abstrait. Être heureux, c'est quelque chose qui est spontané, qui est instantané, qui est concret. Et moi, j'appelle ça être joyeux. Et l'être humain doit apprendre ce que c'est la joie. La joie, c'est toujours une mécanique spontanée. Tandis que le bonheur, etc., ça se cultive, c'est une illusion d'ambiance plaisante qu'on essaie de développer autour de soi. Tandis que si on parle d'être heureux, c'est donc c'est très près d'être joyeux, on ne parle pas du bonheur comme la philosophie veut en parler. Le bonheur est une expression instantanée de communion supramentale. Donc le bonheur, style joie ou style heureux. Être conscient de ce que nous sommes, est-ce aussi de savoir que nous ne sommes pas seuls dans notre tête? Ben, c'est savoir tout ce qu'on a à savoir quand c'est nécessaire qu'on le sache. Se conscientiser, c'est travailler notre 3% de conscience que nous avons eu en naissant. Où est le 97% de conscience? Qu'est-ce que la conscience? La conscience, c'est la capacité de voir clairement la réalité. Vous avez une automobile qui peut rouler à 200 km à l'heure, n'ayant pas la conscience de la qualité de votre automobile, vous roulez avec à 20 km à l'heure. Quand vous allez devenir plus conscient, vous n'aurez pas changé d'automobile. Vous allez prendre conscience subitement que crime, mon auto peut faire du 50. Et là, pensant avoir tout évolué, tout changé, tout compris, vous allez rouler à 50. Et à un moment donné, vous allez encore vous conscientiser. Vous conscientisant, vous allez voir de plus en plus clair la réalité autour de vous. Vous allez découvrir qu'elle peut rouler à 75. Vous allez rouler à 75. Mais sinon, vous, on vous dit, votre automobile peut rouler à 100. Vous n'en avez pas la conscience, vous avez peur, vous allez commencer à conduire, vous allez trembler, vous allez, quand vous allez dépasser de 80, vous ne saurez plus ce que vous faites. La conscience va à un moment donné vous ouvrir énergétiquement encore la tête et vous allez voir que vous pouvez rouler à 100. L'automobile qui peut rouler à 200, c'est vous. Mais la conscience que vous en avez de ce que vous êtes est une conscience à 20 km à l'heure, alors vous vivez à 20 km à l'heure. Alors quand on parle de 3% de conscience, où est le reste? La conscience, c'est une question de voir. Ce n'est pas une question d'énergie. La conscience, ce n'est pas de l'énergie, c'est un état. L'état, il est là, la porte en s'entrouve. C'est comme si vous vous diriez, quand je commence à ouvrir la porte, j'ai 2 pouces de trou. Puis la porte est ouverte au complet, j'ai 100% du trou. Alors quand j'ouvre à 2 pouces de trou, le reste du trou, il est où? Il est là. Mais il y a la porte aussi, là. Mais le trou est là. La personne qui cherche le trou, elle ne verra pas le trou, il y a la porte. Il est où le 100%? Il est là quand même. Mais tu vas en être conscient quand tu auras ouvert la porte. Il aura toujours été là. Et c'est ça. Ça, c'est la conscience. Le 97 qui manque, là, il est là. Mais la porte aussi, elle est là. L'astral, la mémoire et ces choses-là. Est-ce qu'il y a du pétrole ou du gaz naturel dans les sous-sols québécois? Région? Je comprends donc avec tous ces camions qui versent leurs affaires un peu partout. Le sous-sol est arrivé de gaz et de pétrole. Région de la Rive-Sud entre Montréal et Québec. Il y a beaucoup de gaz naturel dans la plaine du Saint-Laurent. Puis normalement, là où il y a du gaz, il y a du pétrole. Toutes les royautés appartiennent à un individu. N'essayez pas d'en acheter, j'ai déjà essayé. C'est ça. Alors effectivement, on est sur un grand réservoir. Si le peuple juif va dans le monde de la mort en se servant de la guerre, se réincarneront-ils dans les personnes vivantes présentement ou attendront-ils un certain laps de temps? Il va attendre. Qu'est-ce que de courber le temps? Place ça ici aussi. Est-ce que 2060... C'est une bonne année pour le vin. Bordeaux. Non. Est-ce que vers 2060... Est-ce vers 2060 que la... soucoupe volante québécoise s'envolera? Le temps est toujours en mouvement et puis les dates sont des choses dangereuses à dire. C'est pas important. Ça va arriver que je vais échapper des informations comme ça quand je suis sur un élan. Quand je réponds aux questions, je respecte trop les individus pour répondre à des questions qui, à un moment donné, pourraient leur nuire. Et même si un égo me dit « Ah, ben ça ne me nuira pas, moi! » C'est qui pour savoir que ça va me nuire? Ben, je suis le gars qui connaît la réponse, franchement. Je préfère ne pas donner de date. Mais une chose certaine, c'est qu'il y aura des mouvements bien avant 2060. Comment utiliser les événements actuels, la guerre là-bas, la paix ici, comme tremplin de conscientisation? On n'a pas besoin ni de la guerre là-bas, ni de la paix ici pour se conscientiser. Donc, on n'a pas besoin de faire ça. Vivez dans votre monde, le vôtre, celui de votre tête, celui de votre conscience. On l'a vu un peu, on le voit régulièrement, il faut appliquer, il faut exprimer ce que nous sommes. C'est un peu comme, comment puis-je me conscientiser dans la forêt alors que présentement, il y a une grenouille qui est innocente accrochée par une couleuvre? On ne nous regarde pas. C'est tu es toi, et c'est correct, c'est comme ça fonctionne. Alors, ce qui se passe autour de nous, c'est partie de notre vision spirituelle. Ce n'est pas... ça ne nous regarde pas. Peut-être pas l'événement comme tel, mais l'événement provoque une dose d'énergie astrale phénoménale parce que le stress de l'attente, avant que l'attaque se produise, il y avait beaucoup plus de stress sur la planète qu'il y en a aujourd'hui parce que maintenant il y a eu une attaque, c'est comme si tu avais ouvert un abcès. Mais on avait peur qu'il y ait une Mais est-ce que cette énergie-là, on n'a pas pu s'en servir quelques-uns? Quelques-uns, ils sont en train présentement de travailler pour s'en servir en tabarouette. Une semaine avant l'éclatement, là, je reviens à la question. Une semaine avant l'éclatement, j'ai senti une accélération personnelle dans ce que je comprends et cellularise. Probablement parce que vous faites partie de certains individus qui, effectivement, auront un jour à être quelque part quand c'est pas le temps. Alors, nécessairement, il y a des choses comme ça qui vont nous pousser ou qui nous font avancer. Mais il y a autre chose, c'est que l'humain ne doit pas spiritualiser sa conscientisation, donc il ne doit pas chercher à faire des rapprochements. Peut-être aussi que c'est juste le temps. Qu'elle subitement s'épanouisse un peu plus. La guerre. On n'a pas fait une guerre pour qu'elle avance. Comment se fait-il que certains hommes nouveaux vont avoir la puissance de passer outre les plans Essénien et Priori de Sion, puisqu'on a déjà été régi, vendu? Ce sont de fins finies. Un instant. Vous pouvez vendre un cheval à un autre, mais si le cheval décide que l'autre il ne veut pas, il ne l'aura pas plus. On est connu, moi, des vendeurs de chevaux puis de chiens. Ils se retrouvaient avec le chien et le chevaux. Alors, c'est pas parce que t'as été vendu. Moi, je peux. Même quand j'étais jeune, j'ai vendu plein de toiles à quelqu'un. Mais, il va aller chercher maintenant. Livraison plus tard. Existe-t-il une source sûre de suppléments de calcium? Une source sûre, dans le sens amas? C'est que... Bon, le calcium, c'est... Presque tous les écarts physiques qui manquent de calcium manquent de potassium. Si on regarde, par exemple, l'ostéoporose, on parle d'un manque de calcium. Beaucoup de minéraux qui manquent, dont le potassium. Alors, un individu qui a une alimentation qui est suffisamment équilibrée au niveau des oligo-éléments, pas uniquement au niveau du calcium, va être capable d'assimiler le calcium intéressant. Un calcium qui ne viendrait pas lui créer, par exemple, de l'athérosclérose à un moment donné. Ben, c'est beau de manger du calcium, il ne va pas dans les os, il va tout dans tes artères. Je ne sais pas où est-ce qu'il va. Alors, on doit simplement s'arranger pour avoir une alimentation qui va être suffisamment équilibrée pour qu'on digère convenablement, qu'on assimile convenablement. Le calcium du lait est l'un des calciums les moins assimilables par le corps physique à partir d'un certain âge. Bon. Donc, l'être humain, ce qu'il devrait faire simplement, c'est qu'un être humain qui, et c'est encore, on revient encore à une vision très réaliste des choses, c'est qu'un être humain qui a la capacité d'être vivant chez lui, donc d'être suffisamment joyeux, heureux, va digérer et assimiler mauditement mieux ce qu'il a à aller chercher que celui qui est stressé, mal pris, pogné ou qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Le supplément sûr vient beaucoup plus d'une alimentation en légumes et en fruits qui ont de l'allure. Et encore une fois, l'humain peut, c'est sûr que la personne va dire « Ah oui, mais tous les légumes et les fruits que je mange, ça dépend du sol, tu sais. » Tu prends un livre, tu vois l'analyse des carottes, mais ce que tu achètes, ils n'ont pas poussé ces carottes-là dans le terrain où les carottes du livre vont pousser. L'individu doit apprendre à discerner quels sont les légumes et les fruits qui ont le plus d'énergie, c'est-à-dire qu'il y en a plus d'affinité avec lui. Il n'y a pas besoin de tout comprendre, il y aura ce qu'il faut là-dedans. Puis s'il mange régulièrement, convenablement, puis qu'il sait s'alimenter, il va être capable de tout digérer. C'est beaucoup plus une attitude de vie qui va faire en sorte qu'on va être capable de s'alimenter convenablement qu'une mécanique alimentaire. Si une antenne a un rôle à jouer et qu'il ne le joue pas parce que ses attaches à l'ego sont trop fortes, sera-t-il remplacé par quelqu'un d'autre, par l'intelligence? Les antennes vont toujours jouer leur rôle. Certains vont devoir le jouer, disons, malgré eux. Ça peut être un peu pénible pour l'antenne. Mais jusqu'à date, et dans l'avenir aussi, il n'y a aucune antenne qui finalement réussit à se soustraire de son rôle. C'est faux. Il y a effectivement quelques antennes qui se sont soustraites de son rôle, de leur rôle à un moment donné, mais ces antennes-là se sont soustraites en laissant, en déléguant, consciemment et volontairement, disons à des imbéciles heureux, qui ne rêvaient que de prendre la place de l'antenne. Et l'antenne s'est esquissée par la suite. Quel sera le... Non, vas-y. Quelle sera l'année la plus propice pour que les gens du futur reviennent se chercher? Est-ce que ça se fera en masse ou individuellement? L'an 3027, là, c'est... Ça, c'est l'année qui va partir. Ça, c'est l'année la meilleure. Bon. Maintenant, est-ce que ça va se faire en masse ou individuellement? Ça va se faire en masse. Il y aura beaucoup d'individus qui vont se ramasser aussi, mais ça va être un phénomène d'intervention qui va durer quelques jours répartis sur quelques mois. Ça veut dire à plusieurs reprises. Oui. Dans quelle mesure un animal peut-il bénéficier de l'intelligence qui l'entoure? Le meilleur exemple à donner étant le chien. Ne peut-il que servir l'intelligence, soit en attirant la plupart du temps des enfants à notre demeure, ou si on peut s'attendre à plus, sachant que rien n'est impossible? Non, le chien ou le chat, les animaux qui sont faits de l'humain, par imprégnation, finissent par exprimer une partie de ce que vous êtes. Donc, le chien, le chat, le serin, etc., ça finit par être un peu des tentacules de votre être-té qui se promènent à l'extérieur. Si vous tolérez que votre chien est colérique, ben nécessairement, les gens le verront. Et donc, ça dépend simplement de ce qui se trouve chez vous. Vous colorez les êtres plus faibles, dont les animaux. Alors, vous les évoluez temporairement. L'animal n'est pas un être évolutif, mais il sera temporairement évolué. Et puis, ils pourront donc servir de tentacule à ce que nous sommes, nous. On ne pas ça quand il dit ça, parce que mon chien est trop imbécile. Complètement d'accord. On me dit... Ça va être chien ou vraiment je vais faire quelque chose? Ou je vais changer? Non, c'est parce que tu n'es pas le maître du chien. C'est vrai. Merci. Quand est-ce que tu me poses la question? Arrêtez de suite. Puis le maître du chien, effectivement, a des caractéristiques bien exprimées dans le chien. Et ce chien-là, c'est un chien qui peut recevoir certaines formes d'expression. Cette race de chien-là n'est pas une race qui reçoit de l'intelligence. C'est quelle race? Donc, elle va recevoir des parties snob, des parties colériques, niaiseux, des fleurs. Il y a des particularités que ce chien-là peut exprimer, mais ce n'est pas une race qui exprime de l'intelligence. Effectivement. Ça ne nous empêche pas d'aimer le chien, là, mais ce n'est pas une race. C'est comme moi, j'ai un serin, mais il n'est pas aussi intelligent que ton cheval. C'est, oui, je comprends. Mais... Non, c'est simplement ça. Cette race de chien-là est une race de chien qui fait partie de du vieil égrégore que tu avais, mais qui ne fait pas partie de l'égrégore actuel. Ça n'empêche pas qu'on peut garder le chien. Mais effectivement, ce chien-là pouvait même t'aller, là, quelques années. Il faisait partie exactement de la vision du monde ou de la vie que tu voulais développer. Tous les personnages qui vivaient dans ton style avaient un chien comme ça à la maison. Vas-y. On me dit, l'année 91 est un révélateur au sens photographique. On développe par le négatif. La bifurcation a eu lieu en 90 et 91, révèle seulement ce qui s'est produit. Si 91 révèle, verrons-nous distinctement deux camps. C'est en 91 qu'effectivement, il va y avoir une concrétisation de la race nouvelle par rapport à l'autre race. 91, c'est pourquoi je parle beaucoup plus souvent en conférence d'appliquer, de changer. C'est le temps. À un moment donné, il va y avoir des choses plus énergétiques qui vont sortir. Il y a des gens qui aiment ça, c'est ressemblé à des marteaux. Mais... 91 est une année très locale au niveau du temps. C'est en 91 qu'on va voir apparaître énormément d'efficacité et de résultats à travers la race nouvelle. La race nouvelle va se dessiner d'une façon plus concrète. C'est un peu comme si certains l'ont chez eux, mais elle va de plus en plus tendre à apparaître dans le corps physique au niveau de la vie, de leur vie, de leur expression. La race nouvelle, elle va être reconnaissable de plus en plus à partir de 91. Par la transpiration. Non, oui, transpiration énergétique. Oui, évidemment. La race ancienne va être reconnaissable par la transpiration aussi. Mais la transpiration à queue. Là. Une grande question, je vais essayer de résumer un peu parce que ça serait long à lire. Des personnes qui sont faites construire une maison neuve en mi-novembre 90, qui ont fait le PMC1, l'étymologie. Un de nos amis, non séminariste, mais ayant débuté le PMC1 jusqu'à Lescon, est venu passer environ trois fins de semaine chez nous. Il couchait dans notre chambre d'amis située au sous-sol, exactement sous la nôtre. Une semaine derrière, il nous a dit que son ajusteur de pensée, nommé André, l'a contacté et il le voyait assis sur la chaise sous la forme d'un humain. Il a ajouté que ce phénomène se présentait seulement lorsqu'il était chez nous. Quelques jours plus tard, nous avons constaté que nous sentions une présence lorsque nous descendions au sous-sol. Après analyse et discussion, nous ne croyons pas qu'André voit son ajusteur de pensée, mais plutôt une de ses inventions, soit son anti-homme déguisé sous forme d'un ajusteur de pensée. Notre ami nous a déjà fait part d'un phénomène qui l'avait frappé sur la tête sous forme d'ectoplasme après avoir réalisé que c'était son anti-homme. Il est sujet à de fortes colères pour des riens, mais réalise assez vite qu'il est manipulé et qu'il s'est produit, mais il a tout de même eu le temps de donner un coup de poing dans le mur avant de le réaliser. Bref, a-t-il des attaques psychiques? Est-il possédé? Que devons-nous faire pour régler la situation? Devrait-il demeurer chez nous? Que faire? Bon, effectivement, la personne qui écrit la question d'une personne qui cerne très bien la problématique, donc elle sait, elle voit, et on n'a pas grand-chose à lui dire, elle apprend avec ça ici. Elle sait probablement tout ce qui doit être fait. Dans ce cas-ci, comme dans plusieurs cas d'évolution, on doit centrer notre chemin sur nous-mêmes et on ne doit pas être trop spirituel, si même on ne devrait pas être spirituel. Je l'ai expliqué au début de la conférence, je reviens de temps en temps là-dessus. Tu es d'accord avec la personne, avec ce que la personne devrait faire? Oui. Alors, toi aussi? Vous devriez faire ça. Ce serait la meilleure chose, vous le savez déjà, et je reviens encore là-dessus, c'est qu'on ne doit pas être spirituel. Un être nouveau s'arrange pour évoluer de la façon la plus adéquate possible et de la façon la plus intelligente possible. Donc, je ne veux pas vous donner de conseils parce que la façon dont vous écrivez votre question prouve que vous êtes capable de répondre. Alors, je ne viendrai pas mettre un bâton dans votre roue qui vous permet de cheminer vers l'état d'être son seul maître. Décris-moi comment alléger son karma efficacement. Comment savoir quel karma on a? Ça me laisse t'ennuyer. Cessez d'avoir du karma. C'est la façon. La façon la plus rapide, c'est de cesser d'être un être ancien. Et la façon la plus rapide, c'est donc de devenir un être nouveau, comme ça le karma l'élimine. Plus vous allez appliquer de l'intelligence dans votre vie, plus votre karma va vous être éliminé. Certains, en appliquant l'intelligence, vont peut-être descendre bas. Pourquoi? Si vous avez beaucoup de karma, alors on le purge rapidement. Moi, j'en connais à un moment donné qui avait de l'argent. Ils ont commencé à se conscientiser, ils ont commencé à devenir des êtres bons. Ils ont perdu leur argent. Mais cet argent-là est un argent sale. Donc, c'est normal que tout soit parti. Alors, ils vont dire, oui, mais là, je paye en maudit mon karma. Non, on élimine tout ce qui est crotté. Mais quand ça sera propre, maintenant, après, tu auras ce qu'il faut pour que ce soit propre. La personne, elle est toujours heureuse à travers cela. Pourquoi? Parce qu'elle est consciente et elle comprend. C'est ça qui est important, beaucoup plus que l'argent. Alors, comment éliminer, par exemple, ou alléger son karma efficacement? Soyez esthétique. L'esthétisme, c'est l'un des phénomènes qui peut-être demanderait le plus d'explications, mais c'est un des phénomènes qui ne doit pas être appris, c'est un phénomène qui doit être compris. Être un aristocrate intelligent et esthétique, c'est la façon la plus rapide d'alléger son karma. On peut donner des exemples, mais encore une fois, les exemples, ça fait en sorte que l'humain essaie de comprendre la logistique dans l'exemple, mais il ne peut pas l'appliquer à tout le reste. Moi, je vais aider des individus qui je ne connais pas et qui ont besoin d'un aide temporaire uniquement par le fait que je suis là. C'est logique. Et pas logique à partir de... Je ne peux pas écrire cette logique. Donc, pas logique à partir d'une logique que j'ai lue. C'est que sur le moment, ça va de soi. C'est correct. C'est bien. Je rentre, par exemple, dans un autobus. Et puis, il y a une personne qui est handicapée, qui est malade, qui est faible, qui n'est pas capable de se tenir debout. Je suis assis. Probablement que je vais lui laisser ma place. Je n'ai rien à foutre. Et c'est pourquoi je vais peut-être lui laisser ma place. Pas pour alléger du karma. Parce que sinon, je n'allégerai pas mon karma. Mais en le faisant, je vais alléger mon karma. Sauf si je le fais pour alléger mon karma. Rien dans la conscientisation ou dans l'évolution réelle ne peut faire partie d'une lubie, d'un jouage. On ne joue pas à l'évolution, on évolue. Et on joue à vivre. Donc, je ne peux pas dire, eh bien, si je donne mon argent, j'ai payé mon karma. Oui, un peu. Mais c'est pas ça. Mais à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un ou quelque chose, qu'il y a un événement ou qui nécessiterait plus que toi de ton énergie, c'est intelligent, c'est esthétique, c'est logique, c'est ça va de soi, tu le fais, tu élimines un maudit poids karmique. Mais si tu le fais dans le but d'éliminer du karma, ça n'a jamais la même valeur. Donc, de quelle façon? C'est simplement d'être un aristocrate esthétique, intelligent. C'est simple, un peu comme tes patins. Sur le moment où tu as l'impression que probablement que, voyons donc, c'est pas moi qui dois acheter des patins d'un dollar, pas au niveau du snobisme, au niveau d'une mécanique qui faisait que ça, c'est écrit, mais j'ai de l'argent, on va aller acheter des gens, ceux qui n'en ont pas, ils vont prendre ceux-là. Tu viens peut-être d'éliminer 30 à 35 ans d'années de karma. Puis là, peut-être, tu vas dire, ah, crème, j'ai acheté quand même, mais je me suis fait avoir. Tu as éliminé 20 ou 25 ans d'années de karma. On allège son karma en devenant un être nouveau. Les êtres nouveaux n'ont pas de karma. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas associés à la mémoire. Ils ne pardonnent pas parce qu'ils n'ont jamais rien à pardonner. De ce fait, on ne peut pas non plus les accrocher. Tu as déjà dit que ceux qui te suivent depuis quelques années, qu'il y avait eu une grosse fonte de l'ego. Pourquoi est-ce encore très difficile de faire le choix de l'homme nouveau? Bon, pourquoi il y avait eu une grosse fonte de l'ego à travers la mécanique? C'est simplement parce que les êtres humains qui me suivent, ceux qui me suivent, le seul avantage qu'ils ont, et quand je parle de suivre ici, c'est simplement mes amis, hein, ceux qui sont plus près de moi. Pourquoi il y a une fonte de l'ego qui est plus évidente? Pour la simple raison que moi, je suis un être ascensionnel 24 heures sur 24. Donc, il n'y a jamais rien qui peut être laissé passer. Et l'individu qui peut se rapprocher suffisamment pour devenir un ami est nécessairement un être qui avance aussi 24 heures sur 24. Donc, c'est évident qu'ensemble, les égos ont fondu. Surtout qu'à travers certains personnages que j'ai reconnus comme étant des amis, à travers cela, il y a plusieurs qui étaient la réincarnation d'anciens ennemis. Alors, il fallait évidemment qu'on fasse conduire certaines choses. On pourrait maintenant être capable de se sentir. Pas de transpiration. On lui dit, évidemment. Pourquoi est-ce que encore très difficile de faire le choix de l'homme nouveau? Pour la simple raison que l'être humain ne peut faire le choix de l'être nouveau qu'uniquement s'il y croit. Et celui qui fait le choix de l'être nouveau parce qu'il sait, il ne fait pas le choix de l'être nouveau parce qu'il sait. Il a fait le choix de l'être nouveau lorsqu'il croyait. Autrement dit, c'est que l'être humain qui va faire le choix de l'être de l'homme nouveau, c'est votre ego qui va faire le choix de l'homme nouveau. Parce que vous êtes déjà des êtres nouveaux. C'est l'ego qui doit faire le choix, donc l'ego de croire quelque chose. Alors l'ego, il ne peut pas croire à une vision royalement jolie de l'homme nouveau. L'ego, tout ce qu'il peut faire à un moment donné, c'est se dire, écoute, j'ai aucune idée si ça va fonctionner. À travers tout ce qui m'est offert, si quelque chose devrait fonctionner, c'est ça qui mérite de fonctionner. L'ego veut faire le choix de l'homme nouveau. Et après ça, il va s'arranger pour nous donner un coup de pouce en tant qu'intelligence, pour nous amener là-bas. Il y aura des petites mémoires, des petites perturbations, puis des petites choses comme ça. Mais c'est l'ego qui doit faire le choix de l'homme nouveau. Et présentement, si votre ego ne croit pas suffisamment à quelque chose, en avant, si déjà il a la difficulté à croire à quelque chose dans le présent, ça va nuire au choix de l'homme nouveau, parce que c'est nécessairement l'ego qui va faire le choix de l'homme nouveau. Dans le rêve, lorsque tu rencontres quelqu'un que tu connais, est-ce que c'est vraiment la personne que tu veux voir, que tu vois? Non. Ou une entité déguisée en cette personne? Non, même pas une entité, c'est de la mémoire. C'est une entité déguisée en mémoire, une mémoire déguisée en mémoire ou une mémoire pure, mémorielle, mais c'est jamais l'individu. Une projection de mémoire imaginative? Oui, ça peut être efficace. On peut, par exemple, moi je peux rêver à toi, donc ce que je vois de toi, c'est pas toi, toi tu peux rêver à moi. Ce que tu vois de moi, c'est pas moi. Mais moi, je suis en mémoire, en contact télépathique avec la mémoire que tu vois de moi, donc on se parle. Et vice-versa. Donc, quand on se réveille, on peut avoir eu totale impression qu'on s'est rencontré, mais on ne s'est pas rencontré. Quand tu fais un voyage astral, puis que tu veux aller rencontrer un personnage particulier dans son rêve, puis c'est que pas ça, quoi. Non, non, non, mais admettons. Et puis qu'au moment où tu arrives dans l'endroit spécifique, tu t'endors. C'est-à-dire que tu n'es plus en voyage astral, tu perds la mémoire ou le souvenir de ce que tu es allé faire ou de ce que. Est-ce que tu as peut-être fait quand même quelque chose, mais tu t'en rappelles plus? Si ou... non, c'est que tu manges mal. Tu fumes trop. Tu n'es pas assez reposé. Puis encore trop stressé. Ça veut dire que le contact se perd vraiment? Exactement, tu manques d'énergie. Si le mari. Le dioxyde de manganèse, le zinc, bon. Puis le carbone, même si tu mangeais les batteries. Si le mari d'avoir de. Il m'arrive d'avoir de violents maux de tête qui durent toute une journée. En même temps, ça fait des plaques rouges dans le cou. Comment faire pour régler cette situation? Est-ce que l'ego, est-ce l'ego ou une descente d'énergie? Non, c'est pas une descente d'énergie. L'énergie ne descend pas comme ça, pas de plaques, pas de maux de tête. Il peut y avoir, à un moment donné, un contact énergétique avec un ego qui résiste tellement qu'il va engendrer des allergies psychologiques qui peuvent finir par être des allergies qui vont être psychosomatiques. Mais la personne, ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle devra simplement commencer par régler la problématique dans la matière. La rotation de la tête plusieurs fois par jour, ça va finir par aider. Vérifier si elle n'a pas des problèmes oculaires. Vérifier son alimentation. Vérifier la façon dont elle se maintient, sa colonne vertébrale. Vérifier sa qualité d'énergie. Vérifier son stress. Commence souvent par vérifier des choses comme ça. De toute façon, même si ça ne règle pas ce problème-là, ça va déjà améliorer énormément notre condition de vie. Et très souvent, ça va finir par améliorer les choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui manipule le hasard? Ah, c'est celle que tu m'avais dit de poser à la fin. Okay? À ce point-ci du chemin, tomber, se blesser, est-ce un simple accident ou est-ce une auto-attaque santé? Est-ce l'anti qui... Ouais, la misère, là. La soupe chaude et en fait des menaces. Ça, c'est dans les cartes de l'Indie. Ça doit. Il en manque un morceau, je crois. C'est ça. S'il n'y a pas d'apocalypse, que va-t-il devenir de... J'aimerais répondre. Vas-y, je trouve que ça te prend du temps. Non, mais je suis en train d'aller coller. Est-ce l'anti qui sert à la soupe chaude? Il fait des menaces. Bon, quand on parle de tomber, se blesser, être malade, et patati, patata, c'est uniquement parce que vous n'êtes pas encore centré dans votre intelligence, vous résistez énormément, vous avez beaucoup de mémoires de phénomènes réincarnationnels qui viennent vous pilonner. Soyez un être nouveau. Quand vous tombez en pleine face, après avoir glissé sur une pelure de glace, soyez un être nouveau. Là, vous vous levez, vous glissez encore, tout le monde se met à rire de vous, soyez un être nouveau. Dans pas grand temps, vous ne glisserez plus jamais. Un peu comme vous êtes gêné, vous transpirez, ça vous empêche d'aller voir le monde, allez voir le monde. Après 5-6 fois, vous ne transpirez plus, ça ne vaudra plus la peine, on va aller transpirer ailleurs. Quand vous voulez sans paix. Centrez-vous sur vous-même, le reste va finir par s'en aller. On ne doit pas travailler l'évolution en fonction d'éliminer des problématiques qui nous empêchent apparemment d'avancer. Avançons. Les problématiques vont finir par s'en aller. S'il n'y a pas d'apocalypse, que va-t-il devenir les humains lors de la sortie des intraterrestres? Les humains vont-ils devenir les esclaves de ceux-ci? Oh non. S'il n'y a pas d'apocalypse, n'est-ce pas? Les intraterrestres, quand ils vont sortir, ils vont créer une apocalypse. N'est-ce pas? Donc, il y aura probablement une apocalypse. En admettant que l'être humain soit suffisamment puissant, donc en admettant qu'il y ait, disons... Ah, le chiffre est gros encore. On va dire quand même ce chiffre-là. En admettant que s'il y aurait 500 êtres nouveaux, il ne peut plus y avoir l'apocalypse. C'est fini, c'est réglé. Les intraterrestres vont sortir, ils vont nécessairement devoir comprendre des choses. Et de toute façon, quand l'humanité aura fini de solutionner sa problématique planétaire, la solution aura inclus les intraterrestres. Comment ça? On ne les laissera pas comme ça en se disant, écoute, il y avait qu'à être terrestre. Comment se font les négociations avec les intraterrestres puisqu'ils ne sont qu'intelligents? Il n'y a pas de négociation qui se fait. En réalité, ce qui arrive simplement, c'est que grosso modo, on vient donner aux Américains des stratégies musulmanes aux Russes. Alors, les Américains vont donc aider les intraterrestres en leur donnant des corps physiques d'enfants, des corps physiques, etc., des choses comme ça. Et après, quand les intraterrestres vont voir les Russes, ils donnent des stratégies militaires aux Américains. Alors, les Russes, tout contents, vont maintenant donner aussi une partie de leurs choses. Et puis, c'est des échanges comme ça. Les Américains et les Russes rencontrent les mêmes intraterrestres pensant que ceux-là travaillent pour eux. Tu sais, les intraterrestres, là, c'est pas mal de la police. C'est pas fiable, puis ça travaille des deux bords. À part le refroidissement de la planète qui a obligé les intraterrestres à vivre à l'intérieur de celle-ci, quels événements ont fait en sorte qu'ils se retrouvent prisonniers sur ou dans la planète? Les extraterrestres, bon, il faut comprendre certaines choses qui sont peut-être un peu difficiles à comprendre. Je vais résumer en termes humains, en termes planétaires, là, mais là, c'est un peu plus complexe. On va donc simplifier. Les extraterrestres sont des particularités. Je fais un parallèle avec la planète Terre, mais je ne connais pas ce qui s'est passé, mais ça va nous permettre de comprendre. Sur une planète, il y a des êtres en force d'ascension. Jusqu'à un niveau, ils devront attendre le contact avec d'autres êtres évolués. L'humain est l'un de ces autres êtres évolués, lorsque l'être humain sera rendu suffisamment évolué. Sur cette planète, il y a des races qui ne peuvent pas évoluer, des races qui ne peuvent pas être détruites. L'être nouveau ne peut détruire. Alors, ces races sont prises et sont amenées sur une planète vierge. Une planète qui a la capacité de soutenir la vie, donc, qui, à un moment donné, va renaître aussi des phénomènes évolutifs. Alors, ils vont amener ces êtres humains sur cette planète-là, bien avant la naissance de la conscience chez l'homme, donc bien avant la Lémurie, autour de la Lémurie, mais un peu avant la conscience, avant la fusion astrale entre la race adamique et la race humaine, la race animale humaine. Et on va donc placer ces extraterrestres-là, finalement, ces êtres-là, dans le contexte planétaire, en vérifiant ce qu'ils ne sortent jamais. On va donc placer des gardiens sur la Lune, des gardiens sur Vénus, et des gardiens sur Ganymède, une des lunes de Jupiter. C'est une prison. La Terre est une planète prison pour les extraterrestres. C'est de là qu'ils viennent. Disons que le scénario est quelque chose de similaire à ça. Est-ce Lazare ou qui d'autre qui a fait en sorte que les extraterrestres et les humains ne se voient ou fréquentent que sur une base générale? Non, c'est une question de mécanique. Les humains ont de la difficulté à vivre sur Terre, puis les extraterrestres ont de la difficulté à vivre sur Terre. Donc, ils ne se voient pas trop. Le phénomène lazaréen n'inclut pas dans sa stratégie évolutionnaire le phénomène extraterrestre. Par contre, il a implanté chez certains humains des mécaniques pour les protéger contre les extraterrestres. Comme le phénomène lazaréen ne manipule pas les mécaniques extraterrestres. Par contre, l'humain protégé un peu contre les phénomènes extraterrestres. Y a-t-il une solution intelligente et qui a du cœur qui pourrait faire en sorte que les deux races se côtoient sans domination? C'est ce qui va arriver. Un intraterrestre pourrait-il finir par percevoir un sentiment humain? C'est pas nécessaire. L'intraterrestre restera ce qu'il est. L'humain restera ce qu'il est. Et les deux pourront vivre sans problème. Le sentiment est une question d'énergie. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un sentiment humain ou un sentiment intraterrestre, quelque chose comme ça. Dans l'intelligence, on va être correct. Et c'est évident que toutes les races, que tout ce qui va arriver à un moment donné, ne pourront pas rien faire d'inécologique en présence d'un être nouveau. Écoute, donne-y des questions. Salut. Est-ce que quelqu'un ou quelque chose manipule Lazare? Non, puis oui. Comment se fait la résorption des faisceaux? Eh oui, il y a ceux-là qui cherchent à répondre. On peut continuer? Ça va être très long, trop long. On peut les garder. Comment se fait la résorption des faisceaux? L'idée du faisceau est un phénomène illusoire. Il n'y a pas de faisceau en réalité, ce sont des atmosphères. Quand on parle du faisceau rouge ou du faisceau bleu, dans la lumière blanche, c'est tout ça et c'est une atmosphère de faisceaux mélangés. La résorption des faisceaux se fait uniquement parce que l'être humain va finir par se fusionner. Donc, des milliards d'humains, il y aura des centaines d'humains. Des centaines d'humains, il y aura un humain. De un humain, il y aura une planète. Quand on sera rendu à un humain, ce sera la planète Terre elle-même, ce sera l'être. De la planète, il y aura des explosions qui vont, à un moment donné, faire évoluer la planète. Et à un moment donné, ben, tout ça va se mélanger au complet, ce qui fait qu'on a de moins en moins... La résorption des faisceaux se fait uniquement par la transmutation des observateurs. Plus d'observateurs voient les faisceaux, plus faisceaux. Une terre, un roi, c'est un peu pour plus tard. Alors là-dessus, arrangez-vous pour appliquer. Soyez ce que vous êtes, c'est de vouloir l'être.